Bonjour tout le monde, ici André Péloquin, il est présentement environ 9h du matin. Je suis toujours en bobette, je reviens d'une méchante cuite après le concert de Gatineau et des robots de la rime au divan orange. Mes voisins d'en haut s'en vont en l'air et moi, je fais pas de modernisme, la 22e édition. Oh, avoir les priorités à la bonne place. Oui, bonjour tout le monde, je m'appelle André Péloquin. Et bienvenue à Podmodernisme, la balado-diffusion qui essaye de se spécialiser dans tout ce qui se fait d'alternatif au Québec. Et aujourd'hui, un petit spécial thématique, ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. Aujourd'hui, c'est un spécial reprise des groupes alternatifs québécois, que ce soit folk, électro, rock et même un peu de rap qui se sont laissés influencer par des reprises ou qui ont au moins inséré une pièce connue dans leur chanson. Oh oui, on va débuter dès maintenant avec des trucs pas mal rock. On va débuter avec du Gutter Demons, avec la fameuse pièce Pauvre Martin, qui est une adaptation de Georges Brassens. Ensuite, on va aussi avoir une pièce enregistrée live des Chiens de Éric Goulet. C'est la pièce Je veux être ton chien, qui est une adaptation en français du classique I Wanna Be Your Dog de Iggy and the Stooges. On va aussi avoir une reprise de Lio par les Breastfeeders et on va terminer avec un immortel de Claude Dubois, plein de tendresse, réinterprété par les velus Yesterday's Ring. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez me rejoindre à podmodernisme@gmail.com. C'est le podmodernisme@gmail.com. Un arrobas, là, c'est le A commercial, là, finalement. Et il y a aussi mon site web pour avoir un résumé des pièces qui ont été jouées aujourd'hui ou encore consulter les archives pour les éditions précédentes de Podmodernisme, c'est le Podmodernisme, podmodernisme.blogspot.com. Mais là-dessus, trêve de plaisanterie, vous écoutez ça pour une raison seulement, j'imagine, et c'est la musique, et on débute dès maintenant avec les Gutter Demons sur Podmodernisme. Pour gagner la j'étais amoureux. J'ai pas encore 16 ans, j'étais amoureux. J'envoyais tous les dimanches dans sa robe que ça tient plein. Dans le parc on marchait ensemble, je s'assoyais sur un banc. Tu goûtais les souffles charmants de sa bouche sur mon cou. Elle avait deux fois mon âge, belle comme le printemps. Tu m'as pris dans ton cela, ça fait 30 ans. Tu m'allongeais à sa place, en son lit parfumé blanc. Elle avançait gracieusement du sang de sa robe. Du sang de sa robe. J'aimais ses yeux ferrés quand elle me couvrait. Son corps tombait sur le mien, j'étais son homme. Son jeu, son chum, comme un papillon qui naît. Allongeant dans le misère, sortant de chez elle. Éblouis de blanc devant, de la tendresse. Et si tu fais mal en tombant, de la tendresse. Je me suis relevé. J'avais pas encore 16 ans, j'étais amoureux. Je voyais tous les images dans sa robe, sa taille blanche. Dans le parc on marchait ensemble, elle s'assoyait sur mon banc. J'écoutais le souffle charmant de sa bouche sur mon cou. Elle avait le poids et mon âge comme le printemps. Je me fuis dans ton salade, ça fait 30 ans. Allongé à sa place, dans son lit partout des temps. Elle avançait gracieusement du sang de sa robe. Glissant de sa robe, j'aimais ses yeux ferrés quand elle me couvrait. Son corps tombait sur le mien, j'étais son homme. Son chien, son chien, comme un papillon. Allongeant dans de mes ailes, sortant de chez elle. Ébloui de prendre le vent, mais de tendresse. Je me suis fait mal en tombant, mais de tendresse. Mais je me suis relevé tout le temps. Party time! Bonjour tout le monde, on vous écoute toujours pas de modernisme, la balado-diffusion qui se spécialise dans tout ce qui se fait d'alternatif au Québec. On vient terminer avec un premier bloc de ce spécial reprise avec un cover de Claude Dubois, c'était Plein de tendresse, repris par Yesterday's Ring un peu avant. On avait une reprise de Lio, c'était Amoureux solitaire par les Breastfeeders un peu avant. Une adaptation de I Wanna Be Your Dog de Iggy and the Stooges, c'était Je veux être ton chien, des chiens, de Eric Blais. Et on a débuté avec une reprise de Georges Brassens. Pauvre Martin, c'est réinterprété par les Gutter Demons. C'est tiré de l'album Room 209. On va poursuivre avec des trucs un petit peu plus pop, un petit peu plus électro, si vous voulez. On va y aller d'abord avec une reprise des Go-Go's par Comme un homme libre. Ensuite, on va y aller avec un poème de Paul Verlaine, chanté par les Dandy Fauchés. Ensuite, on va y aller avec un classique Safety Dance par les éclatés Dandy Wind. Et on va terminer avec un succès souvenir de Indochine par Navet Confit. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, écrivez-moi podmodernisme@gmail.com ou encore passez par mon site web, c'est le podmodernisme.blogspot.com. On évite maintenant avec Our Lips Are Sealed de Comme un homme libre sur Podmodernisme. We'll be right back. maternelle, d'affection étroite et vaste. Remords si chers, peine très bonne, rêve béni, mais consacré. pourrait m'aider? Qui pourrait sauver mon âme? Je m'en fous, je voudrais te donner un baiser. Et nos lèvres vont se purifier. Tu me donnes un baiser. Et nos langues vont juste s'en mêler. Et ta peau se mouilla. Elle aura comme un goût de l'air. Je te respire. À l'eau sur ton sourire. À l'eau le baiser. Tu m'as donné pour t'aimer, je t'aime comme un fou, comme tu m'aimes, comme tu m'aimes, comme tu m'aimes. J'ai envie de t'en baiser. Nos lèvres vont se mouiller. Nos cheveux vont s'en mêler. À ton sourire effrayé. Oh oh oh, corrige-moi mes fautes. Embrasse-moi. Waouh, comme tu ris. Waouh, le baiser. Pour rester rien que nous deux, pour s'aimer et s'embrasser, come to me, come to me, come to me. Est-ce qu'on s'amuse? Bonjour tout le monde, vous écoutez toujours Pas de modernisme, la balado-diffusion qui se spécialise dans tout ce qui est alternatif au Québec. Je m'appelle André Péloquin et depuis le premier micro, j'ai remis des pantalons. On vient de terminer un bloc plutôt électro-pop, patati patata, toujours dans le cadre de notre spéciale reprise, cover. On vient de terminer avec une reprise d'Indochine par Navet Conti, c'était la pièce Le Baiser. Un peu avant, on avait Dandy Wynn avec une reprise de Men Without Hats. date, c'était bien sûr Safety Dance, un peu avant les Dandy Fauchés, avec un poème de Paul Verlaine, Ses chères mains. Et on a débuté avec une adaptation en français du beat Orlips Arsild des Go-Go's, bien sûr, par les Comme un homme libre. On va se laisser avec un petit peu de hip-hop pêle-mêle. On va débuter avec les Les Majestés qui, eux, ont rappé par-dessus un classique de Louis Armstrong, bien sûr, Wonderful World. On va aussi avoir du Busta Rhymes. Mais là, André, Busta Rhymes vient pas de Montréal! Ouais, mais Justin Poirier l'a remixé. Et c'est pour ça que je vais en faire jouer. Ça va être la pièce Light Your Ass on Fire. Et pour les fans d'Arcade Fire, je vais faire jouer un enregistrement cacane d'une reprise de Love Will Tear Us Apart qu'ils ont fait lors de leur passage à Montréal en compagnie de U2. Et en bonus, comme un DVD avec une section bonus, on va terminer la balado-diffusion avec un reportage d'une 10-15 minutes signé Marc-André Bouillard, journaliste émérite. C'est un reportage qui s'appelle L'usine ou l'exil qui porte sur les groupes de région s'exilant à Montréal. Là-dessus, vous allez entendre des témoignages de membres des Hot Springs, de Malajub et d'autres personnes qui viennent d'une petite ville qui s'appelle Sorel. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez m'écrire à podmodernisme.blogspot.com. Ça, c'est mon site web. Et mon adresse email, c'est le podmodernisme@gmail.com. C'est André Péloquin qui vous souhaite une agréable semaine. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Je vois les jours de plus en plus beaux, je dois me brouiller le cul et passer plus mots avant que mes jours sereines deviennent que des souvenirs bleus. Une parcelle de tristesse, l'impression d'avoir échoué le test, en est pissed off à force d'accumuler stress. Cash, money, bitch bling and party, cette big game qu'est la vie, for real my man is crazy. Hiropod baby en train de percer un ciel gris qui nous déroule son tapis devant une foule de paparazzi. Que quand t'as pas une scène qu'il faut que tu te parles quand même, même s'il y a des parcs comme I'd be an hustle, c'est pour ton bien-être que j'dois pimper le street. C'est la vie, le crime rose dans les stats, c'est la vie. J'veux un wonderful world, c'est la vie. Wonderful world, c'est la vie. The bright blessed day, c'est la vie. The dark sacred night, c'est la vie. And I think to myself, c'est la vie, c'est la vie. What a wonderful world. Au monde, j'aimerais recommencer le cours de la vie. Rien qu'avoir le pouvoir pour ma réincarnation, je pèserais sur mes pieds. Malgré toutes les blessures de guerre, de faim, d'esprit de prière, un avenir salutaire, que peur d'être solitaire. Avec le temps, je réfléchis, je me souviens de mes anciens amis, ceux que la drogue détruit, d'autres sans nouvelles qui sont réellement partis. La mort d'un enfant le jour de sa fête laisse une marque au dernier, sauf qu'elle crie. Plus d'une fois, le lutter, imaginer la plus belle qu'il soit au paradis. Je vois des milliers de gens se forcer pour se construire une belle vie, mais de son grain et récolter à même les jours des tempérés. Mais pour de vrai, on est tous cupides, égoïsme, myself and I, et puis le reste sont sans colisse. Courir après le cash, c'est la vie. Passer proche de mourir, c'est la vie. Se battre pour survivre, c'est la vie. The world is mine, c'est la vie. Trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day. The dog say goodnight, and I think to myself, what a wonderful world. What you say to me is, well, I'm looking real sexy right now. You and your girls are looking good. Look, won't y'all take off your jackets? What's your name, baby? Baby, I'm feeling your hunger. I'm so clean, call it like a Felix Unger. So what if I said it, baby, I'm still gonna tell you. I hope your ass bigger than Winona and Thelma. Listen, it's Busta Rhymes, bitch, I ain't never fail ya. Your ass all over like paraphernalia. See, the police gon' jail ya for walking around with the kind of ass that'll kill ya. Now, don't worry about it, I got money to bail ya. Shorty stacking like a mule, type of shit that'll scare ya. Headboard bang, bump the side of your head. Watch how your ass spread, spill all off the side of the bed. Now, now what you do to the jam, baby, your ass really changed what he initially said. Because the nigga dead, but fuck him. Cause now we vibing and talking and shit. I love to hear your ass go when you walking and shit. Move, girl, like your ass on fire. Like your ass on fire. Move, girl, like your ass on fire. Like your ass on fire. Move, girl, I let your ass on fire. I let your ass on fire. Move, girl, I let your ass on fire. Bitch, I like that ass on fire. Move, girl, I let your ass on fire. Bust it. Baby, I know you probably really need a tablecloth to cover your ass. I'm digging in your pocket while you're rubbing your ass. Shit so big, just put the club in your ass. Rip the H2, park it right in front of your ass. See a little gap between your cut and your ass. And make you jump inside the whip and smoke a blunt with your ass. I'm saying, the shit is spread like a rash. The way they ass wiggle, see I got the shit on the smash. Now listen, I let the L smell a whiff of the hash. And bag all the bitches, now watch you see me zipping the flash. I'm saying, now I'ma put you on blast. It's like a tint window when you put your shit on a glass. Bust right through the window, then it sit on the dash. And have a nigga driving reckless till you making them crash. Come on, we making money and shit. Now pop your muffin while we be watching you shaking your shit. Girl, like your ass on fire. Like your ass on fire. Move, girl, like your ass on fire. Like your ass on fire. Move, girl, I let your ass on fire. I let your ass on fire. Move, girl, I let your ass on fire. Bitch, I like that ass on fire. Move, girl, I let your welcome ass on fire. Welcome to Hot and Hazyville. And make you wanna dance till you break your heels. I know you love the way the girls make you feel. Now watch me get deeper than the Navy Seal. Navy Seal? They got a crazy feel. Shit feel like you in a danger feel. Hypnotized, fucking in the days for real. That's exactly why we call this one Hazyville. Baby, just shake your ass till you spread on the floor. I noticed that your ass too big for your drawers. You need a chiropractor just to marry your ass. To tell the truth, you need a tractor just to carry your ass. For real, you motherfuckers probably think that I'm playing. I bitches love to talk and all that other shit I be saying. And going, see how you putting it down? I love the way you shake and throw it around. Girl, like your ass on fire. Like your ass on fire. Move, girl, like your ass on fire. Like your ass on fire. Move, girl, I let your ass on fire. I let your ass on fire. Move, girl, I let your ass on fire. Bitch, I like that ass on fire. Welcome to Hot and Hazyville. And if you wanna dance till you break your heels. I know you love the way the girls make you feel. Now watch me get deeper than the Navy Seal. Navy Seal? They got a crazy feel. Shit feel like you in a danger feel. Hypnotized, fucking in the things for real. That's exactly why we call this one Hazyville. Hazyville. C'est une petite ville, tu sais, comme ça dit, c'est une ville de la Cisse, une ville industrielle, des grosses usines, presque tout le monde travaille dans les usines. C'était avant surtout une ville à vocation très, très ouvrière, je veux dire, avant qu'il y ait une espèce de petite crise où est-ce que, genre, la marine industrie qui a fermé, qui était une grosse entreprise là-bas, ça, c'était surtout très ouvrier, très portuaire, beaucoup d'industries qui avaient rapport avec le métal, les bateaux. En ce moment, c'est, je sais pas, c'est une ville qui se cherche là, maintenant que le moteur est comme en train de mourir tranquillement. Souvent, dans les régions comme ça, il n'y a rien à faire, tu sais, il y a un bar, il y a pas juste un bar quand même, il y en a plusieurs, mais un bar où tout le monde va, tu sais. Le monde font du skate, tu sais, il y a plein de très bons skaters qui viennent de Sorel, tu sais, qui sont partis de là, tu sais, parce que quoi, qu'est-ce qu'ils ont juste à faire, c'est du skate. Non, c'est que là-bas, à Sorel, à partir de 13 ans, tu deviens un gros pote, là, quasiment sûr, ou à côte, c'était pas chanceux, mais... En fait, à Sorel, je pense que à Sorel-Tracy, quand t'es jeune, il n'y a pas tant d'options que ça. C'est sûr que c'est vraiment pas comme Montréal. Fait que soit ben tu fais des sports, tu t'impliques dans une équipe, soit tu joues à Donjon Dragon ou puis à des jeux vidéo, soit tu joues de la musique, puis tu prends de la drogue, puis tu bois de la bière dans les parcs. Nous autres, je pense que ben, tu peux aussi avoir un peu des trois options, mais nous, on était surtout axés sur l'option numéro 3. Comment ça part, un groupe de rock? Hein? Ça part d'abord d'une excitation pour la musique. Quelque chose qui, quand t'as 12, 13 ans, 14 ans, ou peut-être même avant, ça vient faire des chocs électriques. Je m'appelle Rémi, je joue de la guitare dans les Hot Springs, je viens de la belle région de Sorel-Tracy. What's up is wrapped around the corners. You have your mouth and after you take a sip of string. Ben en fait, c'est pas mal cliché la façon que j'ai commencé à jouer de la musique. C'est vraiment en écoutant des disques de Nirvana bien fort dans ma chambre. J'étais tanné de jouer du air guitar. Il y a quelque chose qui se passe. T'as une réaction à ça, puis tu dis « Wow, c'est vraiment quelque chose qui vient me chercher. » C'est aussi l'âge où on est en gang, où on se retrouve à petits groupes, en émulation, là, des petits groupes de 3, 4 chums. C'est le fun de partir un groupe, parce que, bon, toutes nos idoles ont des groupes de musique qu'on voit, surtout le punk, là, on voit qu'on peut le faire nous-autres mêmes, fait qu'on essaie le plus possible. T'sais. On se tient en groupe, tu sais, quand j'ai mon groupe de musique... On était tout le temps ensemble, on était vraiment juste une gang d'amis qui se tenaient ensemble tout le temps. Je m'appelle Nelson Robert, je suis éditeur du fanzine magazine Rien à déclarer. Comme le rock a cette particularité de pas avoir nécessité d'études musicales, t'es pas obligé de pas d'apprendre le solfège, t'as juste besoin d'être capable, par exemple, pour jouer de la guitare, du rock de garage, t'as juste besoin d'être capable de mettre tes doigts à la bonne place sur le manche, comme les petits diagrammes au-dessus des portées musicales. T'as pas besoin de lire la portée elle-même. Ben, apprendre les trois accords nécessaires pour être capable de faire l'essentiel des chansons du rock de base, là, c'est pas bien long. Alors, le temps entre « je voudrais faire du rock avec mes chums » et « on est capable d'en faire au moins un peu », c'est pas un temps qui est long. T'es vite capable de faire quelque chose, au moins de poser le geste de jouer. même jouer mal, jouer tout croche, mais tu joues. Puis finalement, je me suis décidé à me pogner une guitare électrique. Puis c'était tout aussi simple que ça. Finalement, on a commencé, puis on savait aucunement jouer nos instruments. On savait même pas faire un accord barré. Puis on a commencé à pratiquer dans la cave. C'est vraiment l'histoire classique des débuts d'un groupe rock. Là, c'est, ça peut pas être plus cliché que ça, mais c'est vrai quand même. C'est vraiment ce qui est arrivé. Et tu te défoules et t'exprimes quelque chose. Pas nécessairement avec des chansons originales pour commencer, mais t'exprimes quelque chose dans ton geste. De là, tout est possible. De là, tu peux approfondir ton art jusqu'à être vraiment quelqu'un qui joue de façon très subtile. Tu peux l'apprendre, le solfège, un jour, et tu peux être capable de lire de la musique et d'évoluer dans ce sens-là. Tu peux aussi juste cogner plus fort jusqu'à temps qu'on t'entende, sans nécessairement que ça devienne plus subtil. Ça peut continuer d'être un geste assez dur ou assez violent. Je m'appelle Sylvain Cormier, je suis critique musical, chroniqueur de variété, en fait, même, au Devoir depuis 15 ans maintenant, et chroniqueur à Fréquence Libre, à la première chaîne de Radio-Canada, depuis août dernier. Par définition, les conditions sont rassemblées dans les villes ouvrières pour que des groupes de jeunes gars, parce que c'est habituellement des groupes de jeunes gars, quoique maintenant c'est plus mixte qu'avant, trouvent en eux l'énergie nécessaire pour se dire « Et si on se partait un groupe pour sortir d'ici? » Moi, c'est Julien Minot, chanteur de Malajude. Je pense qu'il n'y a aucune avenir pour un jeune de Sorel. C'est ça que c'est des vieux, en fait. Si tu sors d'un restaurant, c'est des vieux, partout. T'sais. Sinon, tu vas genre chanter au karaoké ou ben, tu vas, je sais pas, moi, tu montes une Civic. Je sais pas, ça peut être un avenir. Là. Si tu montes une Civic, ça va soudeur, là, ça peut être cool, Sorel. Dans 30 ans, c'est une ville fantôme. QIT va fermer et c'est fini. À CISM, on a reçu un CD d'un groupe de jeunes qui viennent de Sorel, qui habitent encore à Sorel, et dans une de leurs chansons qui parle de Sorel, qui s'appelle « Mon patelin », il y a justement une chanson où est-ce qu'ils disent t'as comme deux choix dans la vie, soit tu connais quelqu'un qui travaille, genre ton père qui travaille dans une usine, puis c'est pas mal ça, tu suis le chemin, tu travailles dans des usines, ou sinon tu fais d'autres choses. Je m'appelle André Péloquin, animateur de la Grande Traversée de jeudi à CISM 89.3 FM, La Marge, ça s'appelle Plectrum, et aussi membre du comité musical de la station. Alors j'imagine que les jeunes qui veulent pas se tourner vers les usines de Sorel, parce que c'est pas mal ça qui reste, genre poudre métallique, etc., ben ça, ils cherchent d'autres avenues, puis c'est l'exode. Pas mal tout le monde s'en va. Sinon, il y en a qui restent. J'ai des amis qui sont restés là-bas, mais il faut que tu aies envie de travailler plus dans les usines, en gros. Là, c'est sûr qu'il y a d'autres choses, mais la principale source d'emploi là-bas, c'est les usines de toutes sortes. Là. Puis moi, c'est la grosse question que je pose. Pourquoi tu restes à Sorel, tu sais? Qu'est-ce que tu fais? Continue. Fait que souvent, le monde, ils ont des jobs, justement, à l'usine. Où leur père travaillait avant, fait qu'ils ont une bonne plug, puis tu sais, bon, le salaire est bon, fait qu'ils ont pu avoir un char, ils peuvent avoir, tu sais, ils peuvent planifier leur vie, puis des trucs comme ça, tu sais. Ici, on a le Richelieu et le Saint-Laurent, la marine industrie qui marchait dans le temps. Depuis la Seconde Guerre, l'économie est à terre. Mais si tu travailles à l'usine, t'es payé cher, plagué par ton père, t'es payé cher. Les issues, quand on est dans une ville ouvrière, sont souvent pas très nombreuses. Ou bien on travaille dans les services, ou bien on travaille dans les usines principales, ou on travaille pas, pantoute. Alors, quand on veut... autre chose que ça, de la vie, eh bien, le rock apparaît souvent comme une solution, ou en tout cas, quelque chose à tenter. Dans les années 60, les villes ouvrières étaient vraiment des endroits dont on ne sortait pas. Maintenant, on peut quand même l'école obligatoire en permettant quand même aux gens d'aller un peu plus loin dans la vie, presque par obligation. Donc, t'es moins condamné à suivre, par exemple, les traces de ton père puis de ton grand-père qui avaient tous travaillé à la même usine, puis bon, tout ça. Il y avait comme ça une sorte d'impasse à laquelle, vraiment, il n'y avait pas beaucoup d'issue. J'ai resté toute ma vie à la même place, de 0 à 18. À un moment donné, ben, t'as envie de voir d'autres choses. Puis c'est ça, c'était vraiment pour... C'était plus pour les études, en fait. Puis la musique, ben, ça vient avec, dans le fond, ça vient à côté. Je suis parti de Sorel pour aller étudier. Puis je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup plus de choses à faire à Montréal, puis beaucoup plus de chances que de trouver des gens avec qui jouer de la musique, ou ben, des contrats, ou ben, whatever, là. C'est juste plus de vie, là. C'est qu'ici, premièrement, ben, il y a plein de salles de spectacle, il y a plus de promoteurs, il y a plus de groupes. Tu peux rencontrer plein de musiciens qui viennent pas nécessairement tout d'ici. Il y a du monde qui vient d'un peu partout à travers le monde, là, à la limite. Puis même sur un autre niveau, t'as plus de magasins de musique, si tu veux. T'as plus de magasins d'art usagé. À Sorel, c'est sûr qu'il y a quand même... C'est pas qu'il n'y a pas de salle de spectacle, mais comme je te disais, tu peux pas faire un spectacle à chaque mois. Tandis qu'ici, on peut jouer à chaque mois, puis on a, à chaque fois, c'est pas le même monde qui sont là nécessairement. Ils s'en viennent tout ici parce que c'est à Montréal, parce que c'est plus facile. Local de pratique, il peut trouver un peu n'importe quel musicien. Il peut... il veut jouer à la radio, il veut faire des entrevues à la radio. C'est plus rapide, t'es proche. T'organises tes propres concerts, tu t'arranges pour jouer dans un bar avec d'autres groupes qui ont d'autres, plein d'autres amis, tu fais toi-même ton affichage. C'est le même principe, en fait, mais je pense que c'est plus à portée de la main ici. Mais il reste que quand t'as 15 ans, puis tout ce que t'as autour de toi, c'est des gros cheminées, puis ça pue, puis t'as le goût d'autre chose que de passer ta vie là. Le rock apparaît encore comme une grande bouffée d'air frais. S'investir ou s'exiler, ça dépend d'où vous nous amenez. Avez-vous quelque chose à nous proposer? Destination Phnom Penh ou bien Sydney?